est leur motivation première. L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Ça ne me dit rien qui va. Bœuf dans la place, alias l'impertinent. Marche ou crève, y'a pas de trêve, ça continue. Le film de la vie, là où l'acteur est un inconnu. Un type qui passe et face, hélas, un gosse innocent. Une justice qui glisse comme le vice sur nos enfants. Plantant d'autres enfants, prenant du bon temps. Distancé, jamais attendu, d'ici gage, j'entends des sirènes. Bah, celle de la scène, la police, coulisse du vice. Délice du délit, du préjudice. Des gars qui courent, des complices, fils des comptes tout court, qui font tout. Si la vie soit chacun pour soi et Dieu pour tous. Rakshi, pourquoi tu tousses? C'est toi qui pousses. Mes frères à bout, j'arrive à la rescousse. Pousse-toi de là, je fais mes affaires, c'est dur à faire. Par là, je parle à mes scars là. Ce que j'ai à faire sur la terre, frère, c'est la guerre. Au stéréotype, je flaire pas. Mon but c'est de pas rester terre. Pas là, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc de plus en plus, je rate mes bus. Mais pas ma vie, quand je donne mon avis, je modère mes envies, j'avise. Toujours en quête de réalité. Comme AST, la tête est belle. Dangerous, dangerous, dangerous, I am dangerous, dangerous, dangerous, dangerous, I am dangerous, dangerous, dangerous, dangerous, I am dangerous, dangerous, dangerous, dangerous. Damn you, dangerous. Damn you. Si on m'avait dit qu'un jour je serais classé fiché, tout simplement pour avoir exprimé mes idées, aborder des sujets jugés tabous, mis sur papier, tout ce qu'il se passe autour de nous. Je pensais vivre dans un pays libre, naïf, j'ai compris qu'indésirables sont les esprits non passifs. En refusant d'être un mouton, de rentrer dans le troupeau, de fermer les yeux et de tourner le dos au format dans lequel ils tentèrent de me faire entrer, je me suis vu qualifié de rebelle d'une société hypocrite où certains ont tant de pouvoir qu'en toute impunité ils peuvent cracher sur l'histoire. Ce noir constat m'oblige à prendre des risques, à libérer ma pensée, à devenir un journaliste, un fugitif, un dénonciateur, un haut-parleur trop souvent placé au centre du viseur de ceux qui se croient à l'abri de l'œil avisé de gens à l'affût et qui ne laissent rien passer. La liberté d'expression, vaste plaisanterie, l'écart est grand entre ce qui s'entend et ce qui est dit. J'énonce des faits, bien que ça me coûte des photos sur des murs, des téléphones sur table d'écoute. On me reproche de crier trop fort ce que je pense, de mettre un miroir en face des gens, ça, ça les dérange. Et si le blanc représente la pureté aujourd'hui, même en plein soleil, tous les chats sont gris. Je voudrais faire le bien et rien d'autre, mais pour eux, je suis un mouton galeux, un mec dangereux. Les têtes. Check 1, 2 pour le micro. Fun place au MC qui torchait les parties. Autant des profales, kamikaze verbal. Wild style de pour la basse à pour les aigus. Putain, je suis le vrai Gus. Si ce style est ton apéritif, je suis monsieur plus Baston. Mon son sur les ondes le matin pimpant. J'injecte ton fond qui clappe dans vos tympans. Lyriciste grimpant, les compétiteurs saignent. Car j'absorbe plus de trucs que la saigne. Daigne écouter. L'oscillateur de tête, le boss, le pivot. Chill est le suprême poteau. Y'a pas de rivaux réfractaires au son de Mars. Et que ce flow de rime brime. Flippez, me dites pourquoi vos bobines d'Odeline. C'est intrinsèque, mais le sec en basket et casquette n'a pas d'équivalent pour faire bouger la tête. Depuis les flashbackers, l'eau a coulé sous les ponts. Tout a changé sauf le volume de mon Walkman à fond. Pourtant, je regrette parfois ces entraînements interminables où l'on crée de nouveaux pas. Aujourd'hui, on recherche des échantillons. Chaque fois meilleur, mais toujours pour les mêmes raisons. C'est comme ça que je m'éclate. Faire bouger la tête des mecs sur un swing soul qui claque. Ouh, terrible, c'est ça, enchaîne. Il me passe bien grâce, mon sang bout dans mes veines. Le cœur est un métronome. L'homme ne peut que s'incliner car le hip-hop impose son dogme. Pour ceux qui, avec moi, usèrent leurs sous-vêtements et ceux qui nous ont supportés jusqu'à présent. Je me dois de tenir mon poste. J'ai envers eux une dette dont je m'acquitte quand je me bouge les têtes. J'explique, j'avais son texte sous le chapeau. Tu swingais, t'es parti sur des airs de chapeau. Je serai large si encore tu te la fermais. Mais laisse-moi te dire quand tu allais en revenir. As-tu innové les techniques de tata? Des crottes de Mars sur le pocket avancé. Qui repartit des gestes que tu calcas sur nos pensées quand tu allais en revenir? Ouais. Crois-tu innover les techniques de tata? Des crottes de Mars sur les pocket avancé. Qui vie repartit des gestes que tu calques sur nos pensées. Quand tu allais, on revenait. Comme à la guerre dans l'Iliade, nous déployons des myriades d'infestons tes enceintes au nom de la triade Iota Alpha Mu. Tes phases d'un méchant goût de déjà vu. Veux-tu croiser de fer avec des moines calus? La fuite, ta seule issue, comme les idées s'alignent pour une vision mystique digne de Shaolin. Le Big Boss fond d'opération dragon sur ton sort. Et j'adore ce jeu parce que c'est le jeu de ta mort, Bruxelles. Aïe, as-tu le charisme pour être moine? Ne te plains pas, ne gêne pas. On a tous eu de la boîte, le repas. Mais j'étais dans ta chaumière dans la plaine. Quand j'étais dans la montagne pour travailler mes QN. Milieu du chaos, moi ça dans le pas haut. N'essaie toujours pas de lutter ou tu tombes KO. Je prends les vertus du profil malo qui dort. Fais plus de dégâts qu'un chien qui aboie mais ne mord pas. Le 426 atteint la plénitude. Mais j'ai la fureur de vaincre, perdre n'est pas dans mes habitudes. Je m'entraîne chaque jour sans baisser d'un ton. Car la perfection n'est approchable que par la répétition. Détenteur d'une technique vieille de 1000 ans. Je défends l'honneur de l'école du micro d'argent. Expert du style de l'homme ivre. Je me saoule de musique avant de sauter de colline en colline. Et si l'envie de voler mon mic il te prend, n'oublie pas Jack Jack Jack. Et le solide que t'es dans, tu peux retourner t'entraîner. T'es loin d'être prêt quand tu allais en revenait. Il y eut, paraît-il, un paradis ici. Il n'en reste rien, c'est dans les livres qu'il survit. Voilà pourquoi l'argent tout le temps fait le pouvoir, souvent conféré à des incompétents. Il y eut la peste, le sida frappe très fort. Mais la connerie humaine a toujours battu tous les records. On gaspille des millions au nom du progrès. Mais restera-t-il encore quelqu'un sur terre pour en profiter? La limite des batailles, les conflits d'intérêts, des fanatiques braille, les démoniaques raillent, l'homme n'est pas de taille. La partie est trop forte pour un inconscient de la sorte. Le gardien des cieux leur claque la porte sur l'arche de Noé. Nous sommes les seuls animaux car on veut tuer gratuitement, non pas pour survivre. Et je suis inquiet pour les lendemains. Angela, ma sœur, l'homme crache sur les œuvres de son créateur. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups? La terre est seule témoin de ses crimes. Ici passe chacun pour soi. Regarde Angela, regarde. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups? La terre est seule témoin de ses crimes. Ici passe chacun pour soi. Regarde Angela, regarde.